chimalanga talaka nambai o simbelinga meliponi nyo ngana maboko na simbi isala ya soso komananga dikidiki oyo esa kubongisa chimbalanga. Et son excellence Jean-Pierre Liaou, le cerveau d'État. Pour forcer, pour toi, ça déjà y a beaucoup, maman. Pardon, place ta outil, pour ta aide, ma outil, si qu'à quoi pas qui s'allie sous ma nombre de pingles, tu m'as la main. Et en sainte, mon âme, la sacole, comme on s'en a la montée, maman. Lettre à motivation, ça c'est ma main. Tala eluminanga esa felicidade o que moni pitiu. E por Alex, o grande nigeriano, o ebini de la frica. Pese pera monte mananga, pele li destinacio teo. Mena e pia mama kutu. E gosse moni. Aga nao, ataba kangi mi soranga, kitendi ya mino. Kasi monte me koko mate boli monayo, trezor musamba. Kude mampaka, Francis Tirio Muluba Eche. Iska alendo ya kasusuli na kufa na kiwane timu na kufa honorable Patrick Bologna na koya kosete na kufa na kiwane timu anje. Kima Koda, Neli Mwalumba, Mabiz Kiyavu, Monoko Nangwayo, Ladi Galvanda, Ebe Tili Baku, Ebe Niki Sangani, Bina Sani, Partoko Limo Nabu Mate, Adresa Morte Narangwayi, Awa Nabeleli, Tala Sima, Tala Siya Rangwayi, Trezor Kozala, Deli Pesaya, Takina, Violet Ingamba, Papi Tolasa, Honorable Alebo Ito. Ese yo panza kape mayo, kote mabanzo mayo ebula kama kweso. Parto kofo mate lobo yo, chimala mao, nandimi kelika kwa iba kajita bepe po malona o. Zoto nanga na mono kwa susi eza bombo, basho kia bolimo, enyo baka nini chimala mao. Paski komo tu pamba. Papa Wemba, Mose Fulangini, les petits poissons et déjà grands. Say that.